La flottille de la mer de l'Ouest des forces navales de l'armée populaire de Corée a publié le 25 juillet le communiqué suivant. Toute démarche militaire qui s'aggrave graduellement au parage du point chaud de la mer de l'Ouest sera étouffée sans merci. Il dit notamment « Les impérialistes américains et les bellicistes sud-coréens s'attachent à l'accroissement des forces armées dans les parages des 5 îles de la mer de l'Ouest et à la provocation militaire aventureuse contre la ligne de garde maritime de notre armée. » Les fantoches ont déjà décidé de disposer en permanence deux groupes de commandos à l'île de Yeonpyeong et multiplient considérablement les forces navales, y compris les bâtiments de guerre. Ces jours-ci, les moyens de reconnaissance, y compris le drone Heron, surveillent la zone de notre armée dans l'espace au-dessus des parages des 5 îles de la mer de l'Ouest de Corée. La marine sud-coréenne introduit les vedettes rapides, les gardes-côtes et autres dans les eaux de notre côté, sous prétexte de contrôler l'action illégale des bateaux de pêche chinois. En même temps, les gros bonnets militaires sud-coréens ont prétendu à l'avant-poste de la mer de l'Ouest l'examen des préparatifs face à notre provocation éventuelle. Les bellicistes vont jusqu'à installer artificiellement les soi-disant récifs de poissons. Ces ouvrages pesant des dizaines de tonnes seront installés dans les parages où ont eu lieu les trois derniers conflits, et cela suffit à faire savoir le caractère provocateur. Des provocations militaires accrues au point le plus chaud dans le monde sont d'origine de l'ambition de causer les conflits militaires dans ces parages et de préserver à tout prix la ligne de limite du Nord qui n'a aucun fondement. La témérité des fantoches est soutenue par les États-Unis, ce qui accroît la gravité de la situation. Les envahisseurs impérialistes américains ont informé de l'installation des récifs de poissons artificiels par le haut-parleur sur la ligne de démarcation militaire de Panmunjom à 2h45 du 24 juillet. Les États-Unis ont prétendu que l'endroit de l'installation est dans la partie du sud de la ligne de limite du Nord pour faire reconnaître comme si la ligne fantôme est la ligne de démarcation militaire sur la mer de l'Ouest de Corée. Mais cela est vraiment ridicule. Notre armée pénètre le dessein ennemi. Entraîner la riposte autodéfensive de notre armée par la provocation militaire dans ces parages et le stigmatiser comme provocation et menace. Les États-Unis et les fantoches sud-coréens ne doivent pas se démener à la légère s'ils veulent éviter une mort pitoyable. Notre armée réprimera toutes les démarches militaires dangereuses multipliées par les ennemis au point chaud de la mer de l'Ouest.